إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أسألك يا ذو القدوس طيب أسألك هل يجوز أن تصلي بلا طهارة ما يجوز أحسنت ما يجوز ما هو أكبر الذنوب أعظم شيء الله يبعده ما يرضى ما يقبله أكبر شيء ما هو ما تدري أكبر ذنب عند الله الذي لا يغفر له لمن وقع فيه إذا مات عليه ما يغفر النار خالد فيها من هو ما هذا الشيء الذي لا الذنوب الله قد يخفو عنها لكن في ذنب معين واحد معين إذا فعله الإنسان ومات عليه بدون توبة خلاص كافر ما هو كيف يسمى هذا أيوة الذي يفعل هذا ومشرك لكن الفعل ما هو المشرك ماذا يفعل المشرك ليش سمي مشركا كون لابري مشرك بقوة أيوة الشرك يشرك بالله فأكبر الذنوب ما هو الشرك بالله والعياذ بالله صلى الله يحفظنا وإياك الوقوع فيه أحسنت يا ذو القدوس طيب بعد ما صلنا الولد نصل الأب إن شاء الله إذا خارط الشرك العمل ماذا يحصل يهبط العمل عمل يخلص لو يبغى لا نيولت وعليكم السلام لو يبغى لا نيولت نعم وبماذا شبه المؤلف الشرك نعم لكن عندي شيء آخر الشرك بنفسه شبهه بشيء حتى دعلان يخلصك من هذا الشيء ما هو il a comparé une chose en particulier il a fait dua que Allah te préserve de te prendre cette chose là شبكة أيوة فيلا Donc aujourd'hui, on va rentrer dans la première qa'ida. Première qa'ida. فَبَدَ الْمُؤَلِّفَ قَالْ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي القاعدة الأولى أن تعلم الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكرون بأن الله هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قول الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون Donc la traduction de son kalam il dit la première règle que tu saches que les Kuffar que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a combattu reconnaissait que Allah était le créateur celui qui contrôle toutes choses et malgré cela ils ne sont pas entrés en islam et la preuve la parole d'Allah dans le sens où il dit qui vous octroie la subsistance depuis le ciel et la terre qui détient l'ouïe ainsi que les regards la vue et qui sort le vivant du mort, qui sort le mort du vivant, qui contrôle toutes choses. Ils diront, c'est Allah. Alors dit, ne craignez-vous donc pas. Donc cette qa'ida al-khurasa, avant de prendre le kalam de Jimou al-Lif, c'est que le fait de reconnaître ar-rububiyya, la seigneurie, ne suffit pas à faire de toi un musulman. Et la preuve de cela, c'est que les koufars de Quraysh l'ont reconnu. Était mouafiqun bi dhalika. Malgré cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Et à la base, ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلى حق الإسلام فحسابهم على الله تعالى والحديث متفق عليه كي لدي صلى الله عليه وسلم que j'ai été ordonné de combattre les gens. Qui sont ces gens? Mouchrikoun. Jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'est de divinité digne d'être adoré ce n'est Allah et que Mohammed est son messager, qu'ils accomplissent la salat, qu'ils s'acquittent de la zakat, et s'ils font cela, alors leurs biens et leur sang seront préservés de moi, hormis dans le droit de l'islam, car leur compte revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui était interdit de combattre des gens qui ont fait la shahada. Donc là maintenant, quelqu'un qui reconnaît que Allah a tout créé, qui contrôle toutes choses, qui fait vivre le mort, qui fait mourir le vivant ou le réel Zalika, cela ne fait pas de lui un croyant. Cela ne préserve pas son sang ni ses biens. En cas de jihad, bien sûr. Alors quand il n'y a pas de jihad, ses biens lui sont à lui. On n'a pas le droit de le toucher. Et pareil, tu n'as pas à le tuer également. Donc là, c'est le point à connaître de cette règle. Que Tawhid al-Rububiyyah ne suffit pas à faire de toi un croyant. Beaucoup de gens connaissent le tawhid. Beaucoup de gens vont te dire je crois qu'il est au Créateur, le Seigneur des mondes, qu'il a tout créé, qu'il m'a créé moi, qu'il a créé les cieux, qu'il a créé la terre, c'est lui qui donne la nourriture, c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir, qui donne les enfants, qui fait descendre la pluie, qui fait venir le vent. Toutes ces choses-là, ils le reconnaissent. C'est tout. Plein de gens. Et le kitab, ils ont ça. Les gens du livre, ils l'ont cela. Des gens d'autres religions l'ont aussi. Même des gens qui se disent sans religion l'ont aussi. Tu ne trouveras personne qui n'ira cela à part des athées aujourd'hui. Qui se présentent nombreux, mais qui en réalité, même celles le reconnaissent au fond d'eux. Au fond d'eux, ils le reconnaissent. On le dit souvent, ils le reconnaissent. Quoi qu'il en soit, cette croyance ne suffit pas à faire de toi un musulman. Naam. Donc là, on va lire le kalem du Sharih, du commentateur. Cheikh Zayd Matradi, rahimahullah ta'ala. قال وبيان هذه القاعدة هو أن الإقرار بالتوحيد الربوبية بدون الإقرار بالتوحيد الألوهية والتوحيد الأسماء والصفات لا يدخل في الإسلام. فالكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حين أمره الله بقتالهم إن لم يستجيبوا لدعوة الحق كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ويؤمنون بأن الله الخالق الرزاق المحي المميت ولكن يعبدون معه غيره من الأصنام والأوثان على اختلاف أنواعها واعتقادا منهم بأن يقربهم إلى الله زلفى كما ذمهم الله عز وجل بذلك الاعتقاد الفاسد وطلب شفاعة من تلك المعبودات في جلب المصالح ودفع المضر وعليه فمن أقر بتوحيد الربوبية ولم يعترف ويعمل بتوحيد الألوهية والأسماء والصفات ولم يكن مسلما. Donc là, comme je viens de le dire, il démontre que le point à comprendre cette règle, celle-ci, c'est que le fait de reconnaître la Raboubiya, la Seigneurie, sans reconnaître Tawhid al-Uluhiya de l'adoration ou Tawhid al-Asma wa Sifat des noms attributs, cela ne fait pas rentrer en islam. Donc les mécréants que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a combattu, lorsque Allah lui a ordonné de les combattre, car ils n'ont pas répondu à son appel, ils reconnaissaient la Seigneurie. Tawhid de la Seigneurie, ils reconnaissaient. Ils croyaient que Allah était le Créateur, celui qui pourvoit la subsistance, celui qui fait vivre, celui qui fait mourir. Et malgré cela, ils adoraient avec lui autre, parmi leurs idoles, avec toutes leurs formes, en pensant que ces idoles, pourquoi les adoraient? Que ces idoles les rapprochaient d'Allah. Ils en ont fait des wasa'it, des intermédiaires entre eux et Allah. Donc Allah les a blâmés pour cela, pour cette croyance corrompue, qui est le fait de rechercher l'intercession par ses adorations,

Et toi qui es là, qui, on va dire, invente et confectionne des appareils qui impressionnent les hommes, cette chose essentielle, tu n'as pas comprise. Tu es ce qui est de plus stupide sur Terre. Fais-toi. Le mécréant. Quoi que tu as inventé comme avion, quoi que tu as inventé comme porte-avions, quoi que tu as inventé comme satellite, quoi que tu as inventé comme téléphone, comme ordinateur, comme voiture, comme ce que tu veux, tu ne reconnais pas cela, tu es plus bête qu'un âne. Et wallah, n'attaquez d'offi, on m'a koulobina. Dans notre cœur, on le croit, clairement. Tu es plus stupide qu'un âne. Et cette stupidité va te coûter cher, yom al-qiyam. Malheureusement. Comme quand l'État Allah, wa yakulu kafiru, ya laytani kuntu turaba. Pendant moi, j'étais de la terre. Aujourd'hui, par exemple, tu vois des gens faire des associations pour s'occuper des droits des animaux, la SPA, tout ça. Il faut bien traiter le chien, le chat, le perroquet, le kangourou, le koala, le panda, la baleine bleue, la baleine à bosse, la baleine grise, la baleine, ce que tu veux. Détailler, si tu veux. Mais yom al-qiyama, crois-moi bien que tu aurais préféré être un chien maltraité que ce que tu es actuellement là. Allah, aujourd'hui, tu vas être je ne sais qui, milliardaire, millionnaire, être les hommes de haut rang, comme vous pensez. Yom al-qiyama, tu auras, si tu meurs là-dessus, tu souhaiteras avoir été ce chien lépreux ou galeux, frappé par son maître, mal nourri et abandonné dans la forêt pendant l'été. Bon, et nourri à je ne sais quoi. Tu dirais, j'aurais aimé ce chien-là, aujourd'hui. Wallah. Si les gens savaient. Kamakulna, walakin, aksaranas, la ya'lamun. Il poursuit en disant. Wahaythu. طيب وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية يستلزمان توحيد الأسماء والصفات على الوجه الذي مشى عليه سلفنا الصالح في باب الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية de la adoration et توحيد الربوبية de la seigneurie eux-mêmes impliquent le توحيد des noms et attributs. Mais comment? De la même façon que l'ont compris les salafs salih de cette communauté, les pieux prédécesseurs, c'est-à-dire sans takif, sans chercher le comment, sans tamthil, sans le comparer à la création, sans tajbih, sans faire ressembler à la création, et sans ta'til, sans le supprimer. Croire en ces noms et attributs comme ils sont venus. Et cela, inshallah, sera approfondi dans les kutub de Aqida, fima ba bi'idhnillah ta'ala. قال وحيث أن القواعد الشرعية في هذا الموضوع تحتاج إلى أدلة من الكتاب والسنة فقد أورد المؤلف من الأدلة القرآنية قول الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Donc là, il dit que justement, les règles légiférées dans ce sujet et autres sont des règles, comme on l'a expliqué au début du livre, qui elles-mêmes se basent sur des preuves. La règle n'est pas une preuve en elle-même. Elle a besoin d'une preuve. Et ensuite, justement, l'auteur, pour cette règle qu'il vient de citer là, a mis son dalil. Quel est-il? Ce verset qu'on a cité dans le matin. Cette règle est basée sur un dalil. La règle n'est pas un dalil. Après, quand c'est une règle qui est connue par tout le monde, tu peux sortir la règle directement. À la bab al-irtisar. Par exemple, il se peut que tu aies oublié le dalil sur le moment. Le verset, tu l'as pas bien appris, t'as oublié, t'as peur de confondre. Tu dis, c'est une règle qui est connue chez vous. C'est une règle qui est connue, donc tu sors la règle directement. Et tout le monde la connaît, la règle, donc la baisse. Tu vois. On sait que tu sais que cette règle est basée sur une preuve. Et toi, tu sais que les gens connaissent la preuve. Donc, tu cites la règle directement, m'a affiché, il n'y a pas de problème. Mais si demain, quelqu'un vient te voir, et cette règle, c'est quoi la preuve? Donne-lui la preuve. Un débutant, par exemple, il ne connaît pas. Tu dis, la règle dit ça et ça et ça. Il dit, mais la règle, c'est quoi la preuve de la règle? Tu donnes la preuve de la règle. Alhamdulillah, stafad. Faqouluhu. فسيقولون الله هو محل الشاهد وهو أنهم يعترفوا بأن الله هو الذي يرزق عباده وينزل الغيث ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر أقروا بذلك ومع ذلك هم يشركون معه غيره وهذا وفساد المعتقد فهم يؤمنون بالتوحيد الربوبية ولكنهم لا يكرون بتوحيد الألوهية كما أراد الله منهم فصاروا مشركين. Donc dans le verset sa parole, fasayakulun Allah, ils diront certes Allah, après toutes les questions posées, qui crée, qui accorde la subsistance, qui fait vivre, qui fait mourir, ils diront c'est Allah. Donc ça c'est le shahid du verset, la partie qui nous concerne. C'est-à-dire qu'ils ont reconnu que Allah c'est celui qui octroie sa subsistance à ses serviteurs, qui fait descendre la pluie, qui donne la vie, qui donne la mort, qui contrôle la création, tout cela. Et malgré tout cela, eux, ils associent autre que lui dans l'adoration. Donc ça, c'est une croyance vraiment qui est corrompue. Ils croient au Tawhid al-Rububiyya, mais ils ne reconnaissent pas Tawhid al-Uluhiyya. Ou du moins, ils ne le reconnaissent pas comme Allah le veut. C'est-à-dire qu'eux, ils pensent qu'en adorant ces idoles-là vont le rapprocher d'Allah. Donc ils vont dire, nous, on veut s'approcher d'Allah. C'est ça qu'on veut. Il dit, mais comment tu t'y prends là? C'est du shirk que tu es en train de faire. Les intermédiaires que tu as pris, et c'est vos intercesseurs que tu as pris, sera Allah, dans son livre, te dit que cela, il n'aime pas cela. C'est la pire des choses pour lui. Donc comment tu t'approches de quelqu'un pas chose qu'il déteste. Ce n'est pas marcoul. Demain, tu as une femme, c'est ton exemple, à l'échelle humaine. Tu aimes ta femme. Par exemple, elle n'aime pas le chocolat noir. Tu lui fais plaisir, tu lui emmènes plein de chocolat noir. Tiens. Tu dis, pourquoi tu emmènes ça? Dis, parce que je t'aime. Dis, j'aime pas le chocolat noir. Dis-moi, moi je t'aime, je veux que tu manges du chocolat noir. C'est pour t'aimer, je n'aime pas cela. Elle va te détester. Elle va dire, tu me prends pour un imbécile. Tu dis que j'aime pas ça, pourquoi tu me ramènes plein à chaque fois? Tu ne crois pas ce que je te dis. Tu veux que je t'aime moi aussi? Ramène-moi ce que j'aime. Moi, j'aime chocolat au lait, noisette, praliné, ainsi de suite. Toi, tu ramènes du noir. Je ne veux pas du noir, c'est amer, je n'aime pas ça. Et le lendemain, tu reviens avec une grosse boîte de chocolat noir. Si elle écrit pas sur moi, je ne sais pas ce qu'elle va faire. Donc là, c'est l'échelle humaine. Donc, que dire dans le niveau d'adoration? Que tu fais une chose qu'elle déteste, soi-disant pour te rapprocher de lui. On dit justement, ça, c'est pas marcoul, c'est stupide de ta part. Wal'a'adhu billah. والدليل من السنة ما جاء من تعذير عن النبي صلى الله عليه وسلم من التوجه بالعبادة لغير الله كما هو وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله وكما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة وكما قال من نظر أن يطيع الله فليطيعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه كل هذه من أنواع العبادة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه بها المكلف إلى الله وحده. Donc la preuve de la sunna, après qu'il sortit un verset du Coran, là c'est l'auteur, le commentateur, qui cite lui les hadiths, les preuves de la sunna. Que le prophète صلى الله عليه وسلم a mis en garde contre le fait de diriger les adorations vers autre qu'Allah. Il a dit, لَعْنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ que Allah a maudit celui qui est égorge pour tout qu'Allah. Le hadith de Ali, radiallahu anhu, porté par Ahmed, un muslim, awalen, wa ghayr dhalika. Donc l'égorgement est une adoration. Si tu l'as fait pour tout qu'Allah, tu seras maudit. Comme le prouve ce hadith. Et le hadith, الدعاء والعبادة, la vocation, c'est l'adoration. Même hadith qu'on avait pris. Selon qui? An-Nu'man ibn Bashir. Par Ashab al-Sunan. Donc cette adoration doit être vouée pour qui? Pour Allah seulement. Et qui l'a dit? Sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui fait le vœu d'obéir à Allah alors qu'il obéisse. Et celui qui fait le vœu de le désobéir alors qu'il ne désobéisse pas. Donc toutes ces adorations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné qu'elle soit dirigée vers Allah seul. vers Allah seul. Donc ça, ça appelle au tuhid al-uluhiyya. Il est tuhid al-uluhiyya. ثم قال الشارح كما أن من الأدلة على كفر من أقر بتوحيد الربوبية ولم يقر بتوحيد الألوهية إذن الله لنبيه في جهاد هؤلاء الذين أقروا بربوبية الله ولم يقروا بوحدانيته بل عبدوا معه غيره. Toujours parmi les preuves qu'il démontre que celui qui n'aura pas reconnu توحيد الألوهية bien qu'il ait reconnu Tuhid al-Rububiyya, que Allah SWT a autorisé à son prophète de les combattre. Ou Bel lui a ordonné de les combattre. Donc ça, ça démontre quoi? Qu'ils ne sont pas des musulmans. Ils ne sont pas des musulmans. Que leur sang les cite, ainsi que leur bien. قال هذه أدلة شرعية والعقل والصحيح لا يخالف النقل الصحيح. إذ إن الدليل العقلي يدل على أن الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويتصرف في الكون هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة وحده دون سواه. أما الذي لم يخلق سماء ولا أرضا ولا بشرا ولا جنا ولا شيئا من مخلوقاته لا يستحق من العبادة شيئا. فتضارف الأدلة النقلية والأدلة العقلية على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة له وحده دون سواه. ولا وجوب الإقرار بربوبيته وتصرفه المطلق في عالم السماء وعالم الأرض وفق حكمته. ووجوب الإقرار بذاته وأسمائه وصفاته على وجه اللائق بعظمته وجلاله عز وجل. Donc toutes ces preuves légiférées et que la raison saine et réelle ne s'oppose pas au texte authentique. Même la raison saine réelle ne s'oppose jamais au texte authentique. Car justement, cette preuve tirée de la raison, elle-même démontre que celui qui a créé, que celui qui offre la substance, que celui qui donne la vie, que celui qui donne la mort, que celui qui contrôle la création, c'est lui qui mérite d'être unifié dans l'adoration. Même ta raison le reconnaît. Quant à celui qui n'a créé ni cieux, ni terre, ni homme, ni djinn, ni rien du tout parmi la création, ne mérite aucune adoration, rien du tout. Rien du tout. Donc les preuves sur cela sont très nombreuses. Parmi les preuves, naqliya, c'est-à-dire des textes, et aqliya de la raison. Qu'il est obligatoire d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration seule. Qu'il est obligatoire de reconnaître sa seigneurie, c'est-à-dire qu'il contrôle le monde. D'accord ? Et que cela, justement, coordonne avec sa sagesse. Et qu'il est obligatoire également de reconnaître son essence, ainsi que ses noms et ses attributs, de la façon qu'ils lui reviennent. Avec son immensité et sa splendeur, subhanahu wa ta'ala. Hadha. Donc là, c'était la première règle qu'on a pris aujourd'hui. Quelle est-elle ? Que reconnaître Ar-Rububiyya ne suffit pas pour faire de toi un croyant. Et la preuve, c'est que les Quraysh, Mouchik ou Quraysh, les associateurs de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, reconnaissaient tout cela, et malgré tout, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Pourquoi ? Qu'ils n'ont pas reconnu Al-Uluhiyya, ils n'ont pas adoré Allah seul. Ils ont adoré autre que lui, soi-disant pour se rapprocher de lui. Donc quelqu'un qui vient, qui base sa da'wa sur Ar-Rububiyya, on dira tout ce que tu le dis, tu appelles une chose que même Quraysh savait. Mastafadna min kashay'an. Et tu lui dis, pas besoin de toi. J'ouvre les yeux, je vois le soleil. La nuit, je vois la lune. Je vois le ciel, je vois la terre, je vois les gens. Je vois mon propre corps, comment il est. Et malgré mon corps, je ne connais pas tout ce qu'il y a dedans. Et malgré cela, le peu que je connais, ça m'impressionne. J'ai pas besoin de toi pour savoir que j'ai un créateur. Et si j'ai su que j'ai un créateur, que je sache pourquoi il m'a créé. Malgré pour que je l'adore, j'ai pas à discuter. Et par contre, on dit là, c'est là que tu vas m'apporter profit. Comment je l'adore? Ah, mais à savoir que je dois l'adorer, ça? Ma fitra, ma nature première, elle m'y appelle. Et savoir que celui qui a tout créé, tu m'as pas appris, je le sais. Barakallahu fik.

Qu'est-ce qui mérite celui-là ? وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Que celui qui change un bienfait après qu'Allah lui a accordé, Allah est dur au châtiment. وَإِذْ تَأَذْنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِدَنَّكُمْ وَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ. Que votre Seigneur a proclamé, si vous remerciez, je vous rajouterai. Si vous êtes ingrat, certes, mon châtiment est dur. Donc là, si demain quelqu'un l'est éprouvé, c'est min hikmatillah. Il n'y a pas de zulm, il n'y a pas d'injustice. Azab. Et tout ça, justement, ça fait monter l'iman. Wallah, ça fait monter l'iman. On a qu'à faire bien à l'aujourd'hui. On a qu'à subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.